Mon Dieu, la jolie femme, disait le juge de paix au commissaire de police. Quelle perte pour le monde si elle devenait folle. Elle n'est point folle, répondit sentencieusement le commissaire de police. La police est toujours le doute incarné. Monsieur le baron Hulot a donné dans un piège, ajouta le commissaire de police assez haut pour être entendu de Valérie. Valérie lança sur le commissaire une œillade qui l'eût tué si le regard pouvait communiquer la rage qu'ils expriment. Le commissaire sourit. Il avait tendu son piège aussi, la femme y tombait. Marneffe invita sa femme à rentrer dans la chambre et à s'y vêtir décemment, car il s'était entendu sur tous les points avec le baron, qui prit une robe de chambre et revint dans la première pièce. « Messieurs, dit-il aux deux fonctionnaires, je n'ai pas besoin de vous demander le secret. » Les deux magistrats s'inclinèrent. Le commissaire de police frappa deux petits coups à la porte, son secrétaire entra, s'assit devant le petit bonheur du jour et se mit à écrire sous la dictée du commissaire de police qui lui parlait à voix basse. Valérie continuait de pleurer à chaudes larmes. Quand elle eut fini sa toilette, Hulot passa dans la chambre et s'habilla. Pendant ce temps, le procès-verbal se fit.